Mais bon, on a dit notre ESCO est chercheuse au CNRS, c'est ça? Oui. Collaboratrice de plusieurs revues, dont Jean Romain, que vous connaissez tous. Elle fait la publicité pour son bouquin parce qu'en même temps elle y croit et est militante, donc en ce sens elle ne s'éloigne pas trop de vous. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il faut dire de plus? Je crois que vous écoutez. Nadine, tu as la parole. Merci. Alors pardon, moi je n'ai pas improvisé, donc j'ai un texte écrit, je vais essayer de vous le lire de manière pas ennuyeuse, mais de toute façon vous m'interrompez quand vous voulez, évidemment. Voilà. Donc c'est très peu de temps après la fin de la Deuxième Guerre mondiale que se manifestent les prémices du négationnisme en France et à l'étranger. À l'époque, il ne rencontre aucunement l'audience, même relative, même complexe, que cette entreprise connaît aujourd'hui. Entre autres parce que dans les années qui suivent la guerre, le génocide était encore trop récent, peut-on dire, pour n'avoir pas eu lieu. Les précurseurs du négationnisme en France ont été deux essentiellement, l'un et l'autre nés dans la première décennie du siècle, Maurice Barbèche, mort l'année dernière, en 1998, et Paul Racinier, donc, mort 30 ans plus tôt, en 1967. Barbèche, spécialiste de littérature française, était le beau-frère de Robert Brasillach, l'écrivain collaborationniste, éditorialiste de Je suis partout, qui fut fusillé à la Libération. Barbèche dit lui-même que c'est l'exécution de son beau-frère qui fit de lui, je cite, « un animal politique ». Pour blanchir les collaborateurs les plus engagés et pour réhabiliter la collaboration d'État qui avait été voulue par les hommes de Vichy, Barbèche cherche à démontrer, dans les livres qu'il publie à partir de 1947, que les crimes des nazis et de leurs auxiliaires français n'étaient en rien différents de ceux des Alliés lorsqu'ils bombardaient Dresde et Hiroshima. Pour que le nazisme devienne historiquement supportable, pour travailler à la réhabilitation des collaborateurs, il lui fallait à toute force nier la différence entre crimes de guerre et crimes contre l'humanité, présenter comme iniques les jugements de Nuremberg, et tenter de convaincre l'opinion que ce qui précisément faisait la spécificité des crimes nazis, à savoir l'assassinat programmé de millions d'êtres humains pour la seule raison qu'ils étaient nés juifs, que cette spécificité n'existait pas, que les camps d'extermination n'étaient donc qu'une invention des vainqueurs, une falsification de l'histoire. En octobre 1946, en effet, comme vous le savez, le tribunal militaire international, qui siège à Nuremberg depuis un an pour juger 22 responsables du régime nazi, prononce 3 acquittements, 7 condamnations à la prison et 12 condamnations à mort, notamment pour Göring, Ribbentrop, Rosenberg et Streicher. 2 ans plus tard, Barbèche a 39 ans, lorsqu'il publie un livre, au titre éloquent, Nuremberg ou la Terre promise, qui fait de lui, à côté de Racinier qu'il ne connaît pas encore, un précurseur donc de l'entreprise négationniste. Cela commence dès la toute première phrase du livre. « Je ne prends pas la défense de l'Allemagne ». Ce modèle de dénégation est aussitôt suivi d'un chapelet de dénonciation sur ce qu'il appelle la falsification de l'histoire, imposée depuis 1945 par les vainqueurs de la guerre, alors qu'ils se sont, je cite, « emparés de l'épée de Jéhovah » et qu'ils ont chassé l'Allemand des terres humaines. L'éloquence que Barbèche déploie pour évoquer le malheur des vaincus, je cite, « leur détresse dépasse tout ce qui a pu venir jamais à l'imagination des hommes », il ne l'emploie jamais pour évoquer ce qu'eurent d'abord à subir les victimes de ces vaincus. C'est peu de dire que pour Barbèche, les morts n'ont pas le même poids. Il écrit donc dans ce livre de 48 « Que répondrons-nous aux Allemands quand l'un d'entre eux nous rappellera cette immense moisson de grandeur et de sacrifice que la jeune Allemagne a offerte de toutes ses forces, quand ces milliers d'épis si beaux nous seront présentés, devant la moisson nouvelle, que dirons-nous, nous complices des juges, complices du mensonge ?» Fin de citation. À ces pamoisons arianophiles, qui font écho aux parades de l'autre Nuremberg, celui d'avant la guerre, s'oppose la plus meurtrière des indifférences antisémites. Je cite. Les Juifs sont originellement des étrangers, qui ont d'abord été admis dans notre pays avec prudence, puis en nombre de plus en plus grand, à mesure que certains d'entre eux obtenaient de l'influence. En dépit de cette hospitalité qui leur était accordée, ils n'ont pas hésité à entraîner notre pays dans une guerre désastreuse mais souhaitable, parce qu'elle était dirigée contre un ennemi de leur race. Ils nous ont divisés, poursuit Barbèche, ils ont réclamé le sang des meilleurs et des plus purs d'entre nous, et ils se sont réjouis, et ils se réjouissent de nos morts. Cette guerre qu'ils ont voulu, ils nous ont donné le droit de dire qu'elle fut leur guerre, et non la nôtre. Ils l'ont payée du prix dont on paie toutes les guerres. Nous avons le droit de ne pas compter leurs morts avec nos morts. Et il ajoute enfin, on a eu la bonne fortune de découvrir, en janvier 1945, des camps de concentration dont personne n'avait jamais entendu parler jusqu'alors et qui devinrent la preuve dont on avait précisément besoin, le flagrant délit à l'état pur, le crime contre l'humanité qui justifiait tout. Fin de citation. L'autre précurseur donc du négationnisme d'aujourd'hui est Paul Racinier, né en 1906 et mort en 1967. Depuis qu'apparut au mois de février dernier la biographie de lui, que j'ai intitulée « Fabrication d'un antisémite », on m'a souvent posé la question suivante. Mais pourquoi diable avez-vous passé tant d'années à étudier la vie de quelqu'un, Paul Racinier, dont vous dites vous-même en ouverture de cette biographie qu'il était un homme sans intérêt? Pourquoi donc avoir examiné tant d'archives, recherché et écouté tant de témoins, dépouillé tant d'organes de presse, confronté tant et tant de documents de toutes sortes, et écrit au bout du compte un aussi gros livre, ce qui fait 800 pages, à propos de ce personnage, s'il était sans intérêt? Au passage, je tiens à dire dans ce lieu que tout au long de mon enquête, j'ai trouvé auprès des anarchistes une générosité incomparable dans le temps donné, dans les archives spontanément proposées par des gens qui avaient appris que je préparais une biographie de Racinier, dans les recherches entreprises sans compter pour répondre à mes innombrables questions et requêtes, dans la confiance qui m'a été manifestée aussi à travers le prêt de documents précieux parce que devenus introuvables. Je pense en particulier à Maurice Lézan, à Roland Levine, à Marc Trévotel, à Charles Jacquier et à René Bianco, à qui en retour j'avais promis de venir parler de Racinier au CIRA si je me rendais à Marseille. C'est donc de vive voix et devant témoins que je lui dis et que je leur dis à tous ma gratitude et ma très vive estime pour cette confiance et pour cette générosité. Pourquoi donc tout ce temps, tous ces efforts consacrés à un homme tel que Racinier? Il y a à cela au moins deux raisons. La raison de départ de cette longue aventure était qu'ayant précédemment étudié l'émergence et le développement de l'entreprise négationniste en France, j'avais constaté que tout en reconnaissant les mérites de Bardèche, les négationnistes, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui, qu'ils opèrent en France ou ailleurs dans le monde, qu'ils soient d'extrême droite ou qu'ils viennent de l'extrême gauche, les négationnistes donc revendiquent presque tous Racinier comme père fondateur de leur entreprise. J'ai donc voulu aller voir de près qui était cet homme, successivement communiste, socialiste, anarchiste, ce pacifiste, ce résistant puis déporté, ce militant de gauche qui en était venu à collaborer avec des fascistes déclarés tels Bardèche, ou d'anciens nazis nullement repentis et toujours actifs. La vie de Racinier se compose de deux périodes clairement distinctes et d'une très violente parenthèse. La première période dure deux fois plus longtemps que la seconde. Elle commence par sa naissance en 1906, donc, dans le territoire de Belfort, et s'achève avec son départ définitif en 1947 de ce territoire où elle s'est tout entière déroulée jusque-là. La parenthèse va du moment où il est arrêté à Belfort pour résistance, à l'automne 1943, jusqu'à son retour de déportation au printemps 1945, après 2 mois passés au camp de Buchenwald et 13 mois passés dans le camp de Dora. La seconde période de la vie de Racinier dure 20 ans. Elle commence à son départ définitif de Belfort, en 1947, se déroule successivement à Mâcon, puis à Nice, brièvement pendant 2 ans, et enfin dans la banlieue parisienne à Asnières, où il meurt en 1967, des séquelles de son arrestation et de sa déportation. Durant ces 2 dernières décennies, il a en fait tenté de régler des comptes avec ce qu'il avait vécu au cours des 4 décennies précédentes. Il l'a fait notamment dans ses livres. La plupart d'entre eux ont été publiés par des éditeurs d'extrême droite, Maurice Bardèche donc, mais aussi Henri Coston, Fernand Sorlot. Or, le contenu de ces livres, sur lesquels je reviendrai un peu plus loin, est précisément ce qui lui vaudra d'être considéré, après sa mort, comme le père fondateur de l'entreprise négationniste. La deuxième raison qui m'a conduite à entreprendre cette biographie de l'homme sans importance qu'était Racinier, c'est que je voulais m'efforcer de comprendre comment se fabrique une pensée antisémite, de comprendre comment l'antisémitisme vient aux gens. Quels que soient ses costumes et ses masques, quel que soit le degré de perversion de ses promoteurs ou le degré d'aveuglement de certains de leurs suiveurs, le négationnisme est en effet tout bonnement l'expression la plus contemporaine de l'antisémitisme le plus éculé. Au cours des siècles, on a périodiquement accusé les juifs d'escroquerie et de manipulation, mais l'accusation atteint des sommets avec l'entreprise négationniste, puisqu'elle présente les juifs comme capables, premièrement, d'avoir inventé de toutes pièces une extermination de la taille de celle qui a été perpétrée par les nazis, et deuxièmement, d'avoir ensuite extorqué des millions de marques aux Allemands à titre de réparation pour un meurtre collectif qui n'avait donc tout bonnement pas eu lieu. Voilà pourquoi la vigilance est requise, me semble-t-il, face à l'entreprise négationniste, qui, après des décennies d'accalmie, constitue aujourd'hui un des principaux instruments d'une nouvelle acclimatation de l'antisémitisme et qui peut, du même coup, en favoriser un éventuel nouveau développement. Des historiens ont étudié de manière fort éclairante la dérive vers l'antisémitisme d'extrême droite de certains personnages d'envergure. Ainsi, par exemple, Philippe Burin à propos de Jacques Doriot dans son livre « La dérive fasciste ». Mais Racinier, lui, décidément, était un homme sans importance. C'est précisément cela qui m'a importé. Il était aussi, d'une certaine façon, donc un homme sans intérêt, en effet, et c'est cela précisément qui m'a intéressé. Et au-delà du balancement commode des mots, je voulais décidément comprendre comment l'antisémitisme vient aux gens, à n'importe quel gens, à n'importe qui. L'histoire de Racinier, c'est celle d'un fils de paysan, né donc dans un tout petit département de l'Est de la France au début du XXe siècle, qui fut très tôt engagé dans le militantisme politique. Il est membre du Parti communiste à partir de 1923, puis du Parti socialiste à partir de 1934. Cet homme s'est fabriqué tout au long d'un certain nombre d'événements et de courants essentiels qui ont façonné l'histoire française et européenne de la première moitié de ce siècle, puis considérablement marqué la seconde moitié. Je vais simplement énumérer ça, mais vous connaissez tout ça très bien. La faillite du mouvement ouvrier face à l'Union sacrée en 1914, la Première Guerre mondiale, la Révolution russe d'octobre 17, la rupture au sein de la gauche et la naissance du Parti communiste, le stalinisme, la montée du fascisme, le pacifisme des années 30, l'arrivée de Hitler au pouvoir, la Seconde Guerre mondiale, la défaite de 40, le gouvernement de Vichy, la collaboration, la résistance, la déportation, les persécutions antisémites, le génocide. Ces événements, ces courants, cette histoire, Racinier les a traversés d'une manière spécifique, puisqu'évidemment, tant et tant d'autres, ayant vécu la même époque, connu les mêmes courants, assisté ou participé aux mêmes événements, ne sont devenus ni antisémites en général, ni négationnistes en particulier. Mais l'étude la plus monographique, s'attachant dans le détail de son déroulement propre au singulier d'une existence humaine, peut contribuer, c'est du moins ma conviction, à éclairer et à analyser des mécanismes généraux. Je ne peux évidemment pas décrire ici, faute de temps, comme je l'ai fait dans mon livre, l'importance et la complémentarité des lieux de formation du jeune Paul Racinier dans son territoire. La ferme de ses parents, l'école du village, où une institutrice radicale dispense tant bien que mal l'enseignement laïque en vigueur et se trouve en butte au tracas d'une municipalité traditionnellement conservatrice et sous la tutelle de l'Église. Puis l'école normale d'instituteurs où le jeune Paul fait ensuite ses classes, en même temps qu'il entre, en 1923 donc, dans un parti communiste qui a à peine 3 ans d'âge, un parti ultra-minoritaire, sur la brèche, obéissant aux mots d'ordre venus de Moscou et inculquant de manière massive à ses militants une vision dénonciatrice dans laquelle le monde n'est rien d'autre qu'un vaste complot capitaliste destiné à duper la classe ouvrière. Exclu du PC en 1932, Racinier adhère 2 ans plus tard à la SFIO, c'est-à-dire à un parti socialiste qui, lui, va être en proie à des conflits internes de plus en plus violents et dramatiques entre, d'un côté, les partisans d'une paix à tout prix, ceux qui, autour du secrétaire général du parti, Paul Faure, sont favorables, comme les Racinier, à, je cite, « toutes les négociations avec tous les pays et sur tous les terrains », comme le dit la motion de la tendance paulforiste au congrès de la SFIO de décembre 1938, et de l'autre côté, ceux qui, avec Léon Blum, malgré leur attachement profond, eux aussi, à la paix depuis les massacres de la Grande Guerre, dénoncent les dictatures totalitaires et considèrent que le Parti socialiste devra participer, je cite, « totalement et sans réserve à la défense du pays contre toutes les agressions et ou entreprises qui menaceraient l'intégrité de son territoire ». À travers les engagements militants successifs de Racinier, ceux de l'avant-guerre mais aussi ceux de l'après-guerre, il existe en effet chez lui une constante absolue, le pacifisme à tout prix, ce qu'on a appelé le pacifisme intégral. Sous l'occupation, en 1942, il parle encore, je cite, de l'absurde guerre de 1939, dans un article publié par un mensuel de la collaboration animé par d'anciens socialistes. Cet article, intitulé « Charles Péguy nous avait prévenu », pousse la révision des textes, en l'occurrence de l'essai « Notre jeunesse », essai de 1910 de Péguy, jusqu'à faire de Péguy un anti-Dreyfusard, ce qui est tout de même un comble quand on sait l'engagement précoce et intense de Péguy dans la défense du capitaine Dreyfus, et quand on sait que Péguy ne cessa de répéter passionnément tout au long de son essai que dans l'héroïsme de ce qu'il appelle, je cite, la mystique républicaine, l'affaire Dreyfus aura été, je cite, le dernier sursaut, le soubresaut suprême de cet héroïsme et de cette mystique, sursaut héroïque entre tous. Malgré son pacifisme, Racinier fait partie d'un groupe de résistants belfortins au sein du mouvement Libération Nord en 1943. Mais pacifiste jusqu'au bout, il s'y montre constamment hostile à toute action armée. Il s'y préoccupe aussi beaucoup de son ambition politique personnelle. J'ai découvert par hasard aux archives nationales, dans les archives du Parti Socialiste, une lettre manuscrite de lui, datée du 1er novembre 1943, adressée à un résistant socialiste parisien. Avec une inconscience qui fait frémir lorsqu'on sait ce que représentaient à l'époque les risques d'ouverture du courrier, il signe de son nom en toutes lettres, mais il inscrit aussi le nom d'un grand nombre de résistants ou de sympathisants dans une sorte d'organigramme fantasmatique de son département, tel qu'il l'imagine pour le lendemain de la victoire. Dans cet organigramme, un nom, si on peut dire, revient à trois reprises, moi-même. Racinier, en effet, se voit déjà tout à la fois délégué politique du comité commun des mouvements de résistance Libération et les Volontaires de la Liberté, qui était un petit mouvement de lycéens et d'étudiants, commissaire à la République du nouveau département et délégué du mouvement Libération au comité départemental de Libération. Cette lettre date donc du 1er novembre 1943, mais le 30 du même mois, il est arrêté, puis déporté en Allemagne en janvier 1944, où après 2 mois donc passés au camp de Buchenwald, il passe 13 mois dans celui de Dora. Il en revient au printemps 1945, bien que gravement atteint par les séquelles de son arrestation et de sa déportation. Un de ses reins ne fonctionne plus, il ne peut plus reprendre son métier d'instituteur alors qu'il n'a que 39 ans et il est bientôt mis à la retraite anticipée. Malgré cela, donc, il essaie aussitôt de reprendre à Belfort la vie politique, militante et électorale qui n'avait pas cessé d'être la sienne avant la guerre. Je veux dire qu'on est alors dans une période de reconstruction du pays, ce qui signifie notamment la réorganisation du fonctionnement de la démocratie. En à peine plus d'un an, c'est-à-dire d'octobre 1945 à novembre 1946, les Français, et pour la première fois aussi les Françaises, sont appelés 7 fois aux urnes, pour les municipales, les cantonales, 2 référendums, 2 élections d'assemblée constituante et 1 législative. La violence des joutes verbales semble inversement proportionnelle au silence auquel a été contrainte la vie politique traditionnelle durant l'occupation. Dans le territoire de Belfort, cette violence atteint parfois des sommets, comme le montre la lecture de la 4e République, qui était l'hebdomadaire de la Fédération SFIO du territoire, hebdomadaire dirigé par Racinier, et le journal qui s'appelait Quand même, qui était l'organe, lui, du parti radical, et donc porte-parole du radical Pierre Dreyfus-Schmidt, qui avait retrouvé dès l'été 1945 le fauteuil de maire de Belfort qu'il occupait avant la guerre, qui veut, après la guerre, être député, qui le devient à l'automne 1945 grâce à l'apport des voix communistes, mais qui perd cette députation lors de l'élection de la 2e Assemblée constituante en juin 1946 parce qu'il commet alors l'erreur stratégique de se présenter seul à la députation sans les communistes. Aubaine pour les socialistes, cette erreur stratégique de Dreyfus-Schmidt. René Neigelen, qui est lui le secrétaire de la Fédération socialiste du territoire de Belfort, est élu député en juin 1946. 2 mois plus tard, il démissionne en faveur du secrétaire adjoint Racinier. Mais 2 mois plus tard encore, à l'automne 1946, Dreyfus-Schmidt, qui ne recommet pas son erreur de juin, s'allie à nouveau aux communistes et reprend donc à Racinier le siège de député que celui-ci n'aura occupé que quelques semaines. Cette cuisante défaite survient dans la vie de Racinier, revenu très malade donc de déportation, alors même que pour la première fois de sa longue vie de militant politique, il détenait enfin un mandat électif, une reconnaissance, une légitimité. Or c'est précisément de cet échec de l'automne 1946 que datent les premières manifestations publiques d'antisémitisme chez Racinier, si on laisse de côté ses élucubrations au sujet de Péguy en 1942. Le 4 octobre 1946, dans la 4e République, donc l'organe de la SFIO du territoire, dont il est rédacteur en chef, il écrit en effet, je cite, « Au lendemain de la libération, le Parti socialiste apparaissait aux yeux de tous comme étant le premier et le plus fort parti de gauche dans le territoire. Et il ne pouvait plus se contenter du bout de table que, comme on jette un os à un chien fidèle, le Parti radical, donc le parti de Dreyfus-Schmidt, lui avait tout de même laissé au banquet de la vie politique. » Les choses étaient faciles à arranger, il n'y avait qu'à renverser les rôles. Le parti radical prenait la place du parti socialiste et inversement. Toutefois, comme les socialistes sont plus généreux que les radicaux, nous aurions vu d'un bon œil un arrangement qui eût donné la mairie aux socialistes et la députation aux radicaux ou vice-versa. Au lieu de cela, que commandait le bon sens, le sieur Dreyfus, qui n'appelle plus Dreyfus-Schmidt que Dreyfus, le sieur Dreyfus s'est réfugié dans des maquignonnages avec les maroulins de la résistance et de l'épuration. Il a tout voulu, la mairie, la députation, le conseil général. Aujourd'hui, les choses auraient encore été plus faciles à arranger entre les trois partis de gauche, l'un à la mairie, l'autre à la députation et le troisième au conseil de la République. et la lutte aurait pu reprendre en commun, comme par le passé, contre des ennemis qui restent malgré tout communs. Mais Dreyfus continue coléreusement à tout vouloir. Le Conseil de la République, c'est encore pour lui. Comment voulez-vous que, dans ces conditions, toutes les possibilités d'entente ne s'évanouissent pas? Il y a des gens qui sont comme ça. Nés dans la Bédie de Gomers, il écrit Bédie de Gomers, ils en ont conservé l'âpreté au gain et les autres habitudes dans la politique. Ils ne sont pas des militants, ils sont des politiciens ambitieux qui se croient retors et ils font de la politique comme leurs parents vendaient des tissus. Naturellement, il leur arrive de tomber sur un os. C'est le cas de Dreyfus, il a tout voulu, il n'aura rien, nous le dépouillerons progressivement de tout. Fin de citation. Voilà, certains mots ont été écrits, un seuil a été franchi. Dreyfus Schmitt, d'adversaire singulier, est devenu pluriel, de ceux qui sont comme ça, écrit Racinier, nés avec l'âpreté au gain de leurs parents et chez qui, somme toute, l'essence précède l'existence. Cet article d'octobre 46 est suivi d'autres attaques en rafale, mais Racinier est quand même battu par Dreyfus Schmitt. Et à peine quelques mois plus tard, il quitte pour toujours ce territoire de Belfort, où il avait donc constamment vécu depuis sa naissance en 1906. Et ce n'est que lorsqu'il quitte en 1947 pour toujours son territoire de toujours, qu'il se met véritablement à régler ses comptes. Il le fait durant 20 ans, jusqu'à sa mort en 1967. Eût-il vécu 20 ans de plus, il l'aurait fait 20 ans de plus. Les comptes non réglés là où ils devaient l'être se transforment en ressentiment. Le sien était désormais inextinguible, il ne connaîtrait plus de frontières, ni dans l'espace, ni dans le temps. À peine avait-il reçu une légitimation avec son titre de député qu'elle lui avait donc été retirée. Les mots qui étaient venus alors aussitôt sous sa plume, en 1946 pourtant, dans un journal socialiste pourtant le disait assez, tout était en place. Racinier était prêt à entrer dans l'armée innombrable de ceux qui font des Juifs un territoire fantasmatique sur lequel concentrer leur ressentiment. En 1950, il fait paraître son deuxième livre, Le mensonge d'Ulysse, dans lequel il dédouane largement les nazis des atrocités commises dans les camps de concentration. Il a demandé pour ce livre une préface à un pamphlétaire d'extrême droite, Albert Parade. Cette préface, qui dénonce violemment des déportés qu'il traite de très basse fripouille, vaut à Racinier d'être exclu de la SFIO en 1951. Il se retrouve alors pour la première fois en près de 30 ans hors d'un parti politique. Depuis son adhésion au PC en 23, à part durant la guerre bien sûr, il n'avait jamais cessé de militer à l'intérieur d'une organisation politique structurée comme l'était le Parti communiste et la SFIO. Son exclusion de 51 ne fait que renforcer un processus engagé avec son départ de Belfort. Et lui s'engage immédiatement dans un nouveau type de contact politique essentiellement concrétisé par l'écriture. Exclu en avril 51, il collabore dès le mois de septembre à l'organe du pacifisme intégral, La Voix de la Paix, fondée par Émile Bauchet. Collaboration assidue, 15 ans durant, jusqu'en 1964. En même temps, il entre en contact avec la Fédération anarchiste, à laquelle il adhère à la reconstitution en décembre 1953. Mais c'est décidément à écrire qu'il utilise le plus clair du temps que lui concède sa santé. Il insiste dans La Voix de la Paix sur le fait, je cite, que les pacifistes doivent surveiller l'évolution de la situation économique. Et à la fin de 1954, Pierre Mendès-France étant président du Conseil depuis le mois de juin, Racinier entame une dénonciation nominale, je cite, de M. René Mayer alias Rothschild et autres banquiers. Il consacre à cette dénonciation un pamphlet intitulé Le Parlement aux mains des banques, qui paraît en octobre 1955 dans un bulletin anarchiste, contre-courant, fondé 4 ans plus tôt par Louis Louvet. Donc durant la seconde moitié des années 50, Racinier collabore aussi au Monde Libertaire, l'organe de l'AFA. Il publie là aussi des articles économiques, dont plusieurs, déclenchés eux aussi par l'arrivée au pouvoir de Mendès-France, sont exclusivement consacrés à dénoncer la manipulation politique à laquelle se livrent selon lui les banques et les banquiers essentiellement juifs qu'il énumère. Ces dénonciations, qu'il fait paraître simultanément dans La Voix de la Paix et dans Défense de l'Homme, la revue de Le Coin, il en donne une conclusion dans le troisième et dernier fascicule de ce petit livre, Le Parlement aux mains des banques, qui paraît en octobre 57, soit 2 ans après le premier. Cette conclusion en 4 pages offre un résumé éloquent de l'enchaînement en boucle des accusations raciniennes qui vont des banques israélites aux banques israélites, en passant par le sionisme et Israël. En même temps, cette conclusion campe l'éternel défenseur de la paix qu'il est en seul détenteur de l'objectivité, je le cite, requise du mouvement ouvrier face, je cite toujours, à l'aspect inquiétant de la question au Moyen-Orient. Voilà ce qu'il écrit dans cette conclusion. Un reproche m'a été fait, mais beaucoup plus implicitement qu'explicitement, celui d'avoir mis la corruption de la politique à peu près uniquement au compte des banques israélites. C'est une disposition collective d'esprit bien spéciale à la France que, sauf pour s'en féliciter et renchérir, on n'y puisse absolument pas émettre le moindre jugement sur le comportement des Israélites dans les affaires publiques sans être automatiquement accusé d'antisémitisme ou de racisme. Pour cette raison, à gauche et dans le mouvement ouvrier, il n'a jamais été possible de prendre position contre le sionisme ou contre la création de l'État d'Israël, si catégoriquement réprouvé par les principes du socialisme libertaire et même du socialisme tout court. Racigné mentionne alors la densité de population en Israël avant de poursuivre, je cite. On voit à quel chiffre serait portée cette densité si, en admettant que la moitié au moins des Israélites du monde sont assez raisonnables pour ne pas répondre aux appels du sionisme, l'autre moitié seulement, soit 6 millions environ, se donne rendez-vous en Israël. On voit aussi la responsabilité encourue par ceux qui se sont tus ou ont encouragé cette opération qui a fait du sionisme un facteur de guerre au Moyen-Orient où tant d'autres se rencontrent déjà. À gauche et dans le mouvement ouvrier, je crois bien avoir été sinon le seul, du moins un des rares, à avoir assez le souci de l'objectivité pour mettre l'accent sur cet aspect inquiétant de la question. À la recherche des puissances financières corruptrices de l'opinion et des institutions, je ne pouvais agir différemment. Mes investigations ayant établi qu'en France au moins, elles étaient clairement israélites, il ne m'était pas plus possible de le taire qu'il ne me l'avait été, quand j'ai eu à en parler, de taire le caractère dangereux du sionisme et son incompatibilité avec les principes du socialisme. La conclusion de Racinier, cet octobre 57, est limpide. Ce qu'il ne dit pas clairement, en revanche, c'est que ses investigations, entre guillemets, sur les banques, n'ont été dans leur ensemble que la copie résumée d'un volumineux ouvrage paru en juin 55, soit quelques mois seulement avant le premier fascicule de son mince pamphlet, sorti en octobre de cette même année. L'auteur de cet ouvrage, intitulé celui-ci « Les financiers qui mènent le monde », n'est autre qu'Henri Coston, l'un des auteurs antisémites les plus prolixes et les plus constants de l'extrême droite française depuis les années 30. Or, en cette même année 55, Coston diffuse justement une réédition du Mensonge d'Ulysse, le livre de Racinier, et toujours en 55, l'article où la Voix de la paix annonce la parution du Parlement aux mains des banques, le livre de Racinier, cet article dit tout le bien qu'il faut penser du livre de Coston. Et pas plus que la Voix de la paix, les anarchistes de l'AFA ne semblent s'alarmer de la proximité d'inspiration et de la ressemblance de contenu entre les articles de leurs collaborateurs et les dénonciations antisémites venues de l'extrême droite. Ainsi, le Monde libertaire annonce les conférences de Racinier. D'ailleurs, l'AFA en organise elle-même, précisément après la sortie de son pamphlet, pour lequel son bulletin intérieur fait aussi de la publicité. Sous le titre « Propagande », ce bulletin intérieur de l'AFA rend compte, ville par ville, d'une tournée de conférences entreprise par Racinier, toujours sur le même thème, dans le sud de la France, en décembre 56. Une tournée, écrit le compte-rendu du bulletin intérieur de l'AFA, qui, je cite, « avait pour but de montrer que les parlementaires réputés élus par le peuple étaient en réalité par de puissantes féodalités financières, desquelles, une fois élus, ils servaient les intérêts. Ces puissantes féodalités financières possèdent la presse, qui informe à sens unique, fait l'opinion qui fait les députés, qui favorise les affaires et renforce la presse. » En 1956, Racinier quitte Mâcon, où il vit depuis son départ de Belfort, donc en 1947, pour le Midi et un climat plus clément. Il s'installe à Nice. Avant son arrivée, existait là un petit groupe anarchiste, composé de Français et de quelques réfugiés italiens et espagnols, qui avait pris en 1947 le nom de groupe Élysée Reclus et renéotypait un petit journal, L'Ordre Social, groupe informel, amical, dans lequel personne n'occupait de fonction définie. On pique-niquait ensemble à l'occasion du 1er mai, on organisait parfois une causerie dans un café de la ville. L'atmosphère change peu après l'arrivée de Racinier, qui a pris contact avec le groupe dès qu'il est venu habiter à Nice. L'Ordre Social n'est désormais plus renéotypé mais imprimé. Les causeries amicales font place à des conférences données par des anarchistes venus d'ailleurs à la demande de Racinier, et par lui-même, comme celle qu'il prononce le 10 avril 1957 sur, je cite, « Israël, les problèmes du sionisme et les peuples arabes à l'heure de la guerre des pétroles ». Le tract qui annonce cette conférence explique, je cite, « qu'il s'agit du problème le plus brûlant de notre siècle, de celui que personne jamais n'ose aborder objectivement, le tragique problème de l'antisémitisme et du racisme ». Dans la petite formation anarchiste de Nice, où l'un était peintre en bâtiment, l'autre charpentier, le troisième coiffeur. Racigné semble avoir imposé de se faire reconnaître comme l'intellectuel, provoquant rapidement le départ de ceux qui ne supportaient pas son autoritarisme, raidissant sensiblement le fonctionnement du groupe dont il devient, je cite, le secrétaire général, rédigeant des comptes rendus de réunion avec une raideur naïve qui rappelle ses jeunes années de militantisme communiste, je cite. Au cours de la discussion, il a été admis d'un commun accord que les possibilités d'action du groupe étaient très limitées, même sur le plan de la propagande et de l'éducation populaire, et que si cela tenait aux imperfections du groupe, cela tenait davantage encore à l'état de l'opinion publique. Fin de citation. Faisant table rase de la version antérieure de l'ordre social, modestement renotipé donc, il publie le temps que dure son bref séjour à Nice, 7 numéros imprimés de ce bimestriel de 4 pages dont il se fait le gérant-directeur, comme il en avait l'habitude à Belfort. Les articles, non signés, sont presque tous, comme à Belfort, rédigés par lui. Minuscule tremplin, tribune confidentielle qui lui permet seulement, une fois de plus, comme à son habitude, de faire sa propre publicité. Mais ni le climat de la Côte d'Azur, ni la proximité de Lecoing et de Parraz, vivant l'un et l'autre avance, ni la place que Racigny a conquise dans le petit groupe d'anarchistes niçois, ne suffisent visiblement à apaiser ses... À la fin de l'été 57, les souffrances de Parraz tuberculeux prennent fin avec sa mort. Lecoing, de son côté, quitte Vence pour retourner à Paris. Peu après, en juillet 58, Racigny fait de même, s'installant dans ce qui sera sa dernière demeure, donc à Asnières. Dès le mois d'octobre 1958, il y fait partie du groupe local de la Fédération anarchiste qu'anime notamment Maurice Lézan et Joe Lanen. L'occupation par Racigny de tout le terrain disponible pour sa propre publicité atteint sa plus grande extension au début de l'année suivante, lorsque sa dénonciation incessante de ce qu'il appelle les interférences de la politique et de la finance paraît simultanément dans La Voix de la Paix, Le Monde Libertaire et L'Ordre Social, mais aussi en même temps dans la revue du fasciste Bardèche, Défense de l'Occident. Aubaine pour Racigny que l'écheveau compact des réactions qu'il suscite dans une large sphère du monde pacifiste et libertaire. Un écheveau composé d'acquiescements à sa demande pressante et répétée d'être publié, d'intimidation ou d'ignorance devant le caractère péremptoire de ses paroles et de ses textes, d'une certaine rigidité parfois dans les analyses politiques, de positions divergentes prises durant l'occupation, notamment face à l'engagement dans la résistance, de propensions généreuses à la défense des minoritaires, d'autant plus s'ils sont regardés ou se présentent comme opprimés, de tendance à un anticonformisme systématique, posture que Racigny prétend si volontiers incarner et défendre, de délégation éditoriale commode des questions économiques à un spécialiste autoproclamé, d'inattention à la teneur véritable de ses propos, d'aveuglement à son sujet, mais aussi d'assentiment partiel ou total à ses dénonciations. Le moins que l'on puisse dire est qu'il y a matière à réflexion dans le seul démêlage de cet écheveau. Et l'AFA met un certain temps avant de prendre ses distances avec Racigny. Les dénonciations quasi exclusives des banquiers juifs par Racigny ne semblent pas gênantes aux yeux de l'AFA. C'est seulement en 1961, lorsque des anarchistes allemands alertent leurs camarades français sur les liens de Racigny avec un ancien SS que l'AFA s'alarme. Racigny, en effet, est allé faire une conférence, une tournée de conférences, en 1960, en Allemagne et en Autriche, organisée par un ancien SS, Karl-Heinz Priester, qui allait devenir son éditeur outre-Rhin. En 1964, 3 ans avant sa mort, Racigny intente un procès en diffamation à la LICA, qui était déjà la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, mais qui avait encore le sigle LICA, et seulement à partir de 1972 qu'ils ont pris le sigle LICRA. En 64, donc 3 ans avant sa mort, Racigny intente un procès en diffamation à la LICA, dont l'organe de presse, Le Droit de Vivre, avait rapporté les accusations d'anciens résistants qui disaient eux aussi de leur côté que Racigny, je cite, était un agent de l'internationale nazie. Or, au moment même où il intente ce procès, en 1964, Racigny était en correspondance étroite, comme j'ai pu le découvrir en 1990 dans les archives que Maurice Bardèche m'avait permis de consulter. En correspondance étroite, donc, pour faire connaître ses livres et se faire enfin reconnaître quelque part, avec d'une part Maurice Bardèche, et d'autre part un nazi, un certain Johann von Leers, qui dans l'Allemagne du Troisième Reich avait été l'adjoint de Goebbels à la propagande. Après 1945, von Leer s'était réfugié dans l'Argentine de Juan Perón, puis à la chute de Perón en 1955, dans l'Égypte de Nasser, où il se convertit à l'islam et où il s'appelle désormais professeur docteur Johann Omar Amin von Leer, et où il anime la section étrangère de la Direction nationale de l'information, ce qui fait de lui le responsable de la propagande antisémite égyptienne. Von Leer explique d'ailleurs à un journaliste canadien en 1956, je cite, « Nasser est mieux qu'Hitler, car Hitler désirait tout achever pendant son existence, alors que Nasser est décidé à prendre son temps. » Fin de citation. Ainsi, alors même qu'il collabore activement avec d'anciens nazis nullement repentis, Racinier poursuit en défamation ceux qui osent le traiter d'agent de l'internationale nazie. Et il perd son procès en 1964. Et c'est lors de ce procès, d'ailleurs, qu'on révèle que Racinier a écrit sous un pseudonyme d'Henri Varol. D'ailleurs, comme pseudonyme, il a choisi le nom de son village natal, territoire de Belfort, Bermond. Et c'est alors seulement, en novembre 1964, que l'AFA rompt clairement avec Racinier. Les anarchistes allemands et les résistants ne savaient pas combien avaient été fondés leurs soupçons et directs les contacts entre Racinier et von Leer, l'ancien adjoint de Goebbels. Une partie de la correspondance de Racinier continuerait de dormir longtemps encore dans le silence des archives de Maurice Bardèche. Et le processus par lequel il avait suffi, fort banalement, à Racinier de se défendre en attaquant et de protester de son inaltérable socialisme pour que d'autres le croient et le proclament, avait encore de beaux jours devant lui. Ainsi, par exemple, il écrivait en 1960 à un ancien déporté, je cite, « Je suis un socialiste, monsieur, bien qu'assez peu mêlé aux luttes politiques, j'ai derrière moi près de 40 ans de comportement socialiste. » Il écrit cette lettre en mai 1960. Durant les 2 mois précédents, il a entrepris sa tournée de conférences en Allemagne et en Autriche sous la conduite du SS Priester. Que Racinier, dès que vaincu et quittant Belfort en 1947, ait été prêt à entrer donc, dans l'armée de ceux qui font des Juifs un territoire fantasmatique sur lequel concentrer leur ressentiment, on le voit clairement dans les livres qu'il a publiés, qui sont tout entiers remplis de ses règlements de compte antérieurs. Racinier a en effet publié 13 livres. Le premier apparu en 1949, le dernier en 1967, quelques semaines avant sa mort. Or, ces livres, dans lesquels il règle ses comptes avec sa vie belfortaine, avec ses engagements politiques successifs, avec ses échecs répétés, avec l'incapacité où il a été de se faire reconnaître par les autres, alors que son besoin d'être reconnu, légitimé, était d'une intensité plus grande encore que son besoin d'en découdre, qui n'était pas mince. Ces livres sont précisément ce qui a fait de lui, après sa mort, le père fondateur revendiqué par les négationnistes. Après sa mort, c'est-à-dire qu'il n'aura pas connu la satisfaction d'être enfin reconnu. De ces livres, je ne mentionnerai ici, faute de temps, que le dernier, qui a bien failli être posthume, puisqu'il a paru quelques semaines seulement, donc avant sa mort. Plusieurs de ses livres antérieurs, je vous l'ai dit, avaient été publiés par des éditeurs d'extrême droite, Coston et Bardèche. Celui-ci, le tout dernier, est publié par un éditeur de la collaboration, Fernand Sorlot, qui s'était fait connaître dès 1934 pour avoir publié une traduction française de Mein Kampf. La thèse exposée dans le dernier livre de Racinier, celui de 67, est tout entière dans son titre, « Les responsables de la Seconde Guerre mondiale ». Tous responsables. Le traité de Versailles, Roosevelt, Churchill, les socialistes. Et derrière eux, toujours, partout, les juifs. En effet, écrit Racinier, dès son élection, le président Roosevelt accepta, tacitement d'abord, puis ouvertement dans la suite, tous les postulats de la politique juive. Peut-être doit-on au fait qu'il était un grand malade et que sa maladie le plaçait dans la dépendance à peu près totale de sa femme, plus farouchement encore que lui acquise à la cause des juifs, politiquement inculte, visiblement survolté, et dont Ribbentrop, celui qui avait été condamné à mort à Nuremberg, et dont Ribbentrop pouvait dire qu'elle n'était qu'une mégère. Racinier, parlant de Churchill, mentionne également, je cite, « l'influence que sa femme et son entourage juif exerçaient sur lui ». Non ? Et dans la France de l'avant-guerre, écrit-il, je cite toujours, « il est symptomatique de voir que, notamment au Parti Socialiste, ce n'est pas en fonction des propositions de Hitler sur le désarmement ou le réarmement qu'on se prononça, mais en fonction de sa politique générale, et plus particulièrement à l'égard des Juifs, qui étaient très nombreux et très influents au sein du Parti Socialiste. Ce qui suivit était inacceptable pour un pacifiste conséquent, je cite toujours Racinier, les mesures prises contre les Juifs par les autorités du Troisième Reich émurent l'opinion publique mondiale. » dans tous les pays où l'on ne rêvait que de l'effondrement du régime hitlérien, elles finirent par créer, autant par leur présentation dans la presse que par leur contenu réel, une psychose qui permit aux états-majors politiques de mettre en place, à l'abri de toute protestation sérieuse, le dispositif de guerre contre l'Allemagne. À propos des accords de Munich, dont Racine dit qu'ils ont été tant décriés depuis la fin de la guerre, il écrit, je cite, qu'ils rétablirent la justice en Europe centrale en redonnant à l'Allemagne des territoires et des populations qui n'auraient jamais dû en être séparés. Quant à Hitler, il a essayé jusqu'au bout d'empêcher la guerre. L'invasion de la Pologne, poursuit Racine, Hitler a ordonné qu'on la prépare de telle sorte qu'à tout moment les ordres de marche puissent être stoppés jusqu'à la dernière minute, et Hitler ne comprend pas, je cite toujours, que l'Angleterre, dont il n'a jamais cessé de rechercher l'amitié, soit à ce point dressée contre lui. Auparavant, je termine avec cette citation-là de ce livre, prenant acte de la doctrine nationale-socialiste qui soustrayait un peuple de 70 millions d'habitants, les Allemands, à leur marché financier, tous les Juifs du monde, au lieu de rechercher un compromis, d'autant plus aisé à trouver qu'Hitler en recherchait un, passionnèrent le débat. Fin de citation. Racine mourut quelques semaines après l'apparition de ses responsables de la Seconde Guerre mondiale. La dénonciation répétée des Juifs dans cet ouvrage permet peut-être d'imaginer ce qu'eût été le contenu de l'histoire de l'État d'Israël, annoncé en deuxième de couverture, et qui donc n'eut jamais le temps de paraître. Un exemple frappant de l'aveuglement, ou faut-il parler ici dans certains cas de complaisance, qu'on trouve parfois dans les milieux de gauche à l'égard de Racine et ce qu'il écrivait, est celui de Maurice Domanget, né en 88 et mort en 1976. Pacifiste ardent, comme vous le savez, auteur de nombreuses études sur l'histoire du mouvement ouvrier, Domanget a incarné pour des générations de maîtres d'école le modèle du militant enseignant au service de la paix et de l'internationalisme prolétarien. Durant des décennies, les instituteurs de gauche ont lu avec une attention particulière ses articles et ses recensions d'ouvrages, notamment dans la revue L'École émancipée, accordant à ses jugements une valeur à la mesure du crédit dont bénéficiait leur auteur. En 1950, comme je vous l'ai dit, Racine fait donc paraître son deuxième livre, Le mensonge d'Ulysse, celui dans lequel il dédouane largement les nazis des atrocités commises dans les camps de concentration. Rendant compte de ce livre, Domanget parle, je cite, d'un livre de bonne foi dont le seul but est la recherche de la vérité, écrit par un homme qui a le courage de la sincérité, un livre contre le courant et qui a le tort de convaincre d'inexactitude et de mensonge un certain nombre d'oracles. La parution 12 ans plus tard, en 1962, d'un autre ouvrage de Racine, intitulé « Le véritable procès Eichmann ou les vainqueurs incorrigibles », livre dans lequel Racine explique, comme le feront ses disciples après sa mort, que les chambres à gaz d'Auschwitz servaient en fait à désinfecter les vêtements des déportés. Ce livre donc vaut à Racine un nouvel éloge de Domanget. Celui-ci écrit en effet, je cite, « Ce livre remarquable, basé sur tant et tant de faits et pièces inédits, et par surcroît si clairement rédigé, est encore une contribution à l'histoire des crimes de guerre que nous apporte l'ami Racine. » Et enfin, durant l'été 1967, Maurice Domanget est justement en train de recenser le dernier ouvrage que vient de publier Racine, « Les responsables de la Seconde Guerre mondiale », donc, quand il apprend sa disparition. Et il ajoute simplement un nota bene nécrologique à cette ultime recension. Et voici le texte, cette ultime recension du livre dont on vient de voir à quel point il était une dénonciation obsessionnelle des Juifs. Domanget écrit « Infatigable, notre camarade Racine poursuit son œuvre de débourrage des crânes sur la base de documents avec son originalité propre, son esprit critique et en excluant toute subjectivité. Le sujet est brûlant. L'un des buts de l'ouvrage est de montrer que des possibilités de règlement correct des problèmes européens ont existé jusqu'au 3 septembre 1939 par des négociations avec Hitler, et qu'on pouvait arriver à un compromis très acceptable avec lui, même sur les Juifs. Cet ouvrage qui fait réfléchir sera sans doute traduit en plusieurs langues, comme 5 des autres livres de l'auteur. » Fin de citation. Tout comme Domanget, les autres nécrologues de Racine, notamment les pacifistes d'Intégraux, et puis ses disciples, et notamment les négationnistes d'aujourd'hui, ont répété la même vulgate, brossé le même portrait d'un homme admirable, désintéressé, dépourvu d'ambition personnelle, d'un homme qui aurait été un résistant de la première heure, il aurait même été le fondateur d'un des principaux mouvements de résistance, Libération Nord, et qui serait demeuré socialiste jusqu'à son dernier jour. Or, la source unique de cette vulgate au sujet de Racinier, c'est Racinier lui-même. Il n'a cessé de l'écrire, de l'améliorer, de la réviser. Ainsi, aux origines du mensonge antisémite qu'est le négationnisme, il y a la révision de sa propre histoire à laquelle s'est adonné le père fondateur, Racinier ou la révision de soi. Il a en effet progressivement donné de divers épisodes de son existence, des versions arrangées, exagérées, mensongères, inventées, qui portaient parfois sur des détails, apparemment insignifiants mais qui ne devaient pas l'être à ses yeux puisqu'il les révisait ainsi. Il a donné de cette histoire des versions successives mais parfois aussi des versions simultanées, adaptées à des auditoires, à des publications, à des lieux différents. C'est lui par exemple qui le premier s'est prétendu fondateur de Libération Nord. Une énormité qu'on retrouve jusque dans sa nécrologie parue dans Le Monde. Racinier n'est certes pas le seul à avoir ainsi réécrit, enjolivé, héroïsé, inventé sa propre histoire. La pratique est somme toute banale. Ce qu'il est moins, c'est que l'autorévision a été chez lui donc le terreau sur lequel a poussé et s'est développée la révision de l'histoire menée jusqu'à la négation d'un événement de la nature et de l'ampleur du génocide. Mais les écrits de Racinier et ceux de Bardèche ne rencontrent que très peu d'écho. Racinier meurt donc en juillet 67, le mois qui suit la guerre des six jours, guerre qui lui a inspiré le dernier de ses innombrables articles de dénonciation publiés dans la revue de Bardèche Défense de l'Occident, dans lequel il s'en prend une nouvelle et dernière fois au pouvoir économique des Juifs et à l'État d'Israël qui est selon lui, je cite, « sans aucun doute l'État le plus rétrograde du monde ». Et il faudra attendre, comme vous savez, la fin des années 70 et l'apparition publique du principal disciple de Racinier, Robert Forisson, pour que le négationnisme fasse enfin son entrée sur la scène publique. Michel Foucault écrivait, je cite, que les identités se définissent par des trajectoires. La trajectoire de Racinier, je crois, l'avait bien montré, celle de ses disciples depuis 20 ans le montre tout autant. Il est rare que quelqu'un revienne de dérives de cette sorte, entamé bien avant d'être visible, poussé par des ressentiments anciens, mais demeurer imperceptible jusqu'à ce qu'une cause telle que la cause antisémite, de manière autrement plus fondamentale que la cause révolutionnaire jusque-là proclamée, mobilise corps et âme ceux qui y trouvent enfin la vérité qu'ils cherchaient. L'antisémitisme est une passion inextinguible et les négationnistes mourront négationnistes. Merci beaucoup. Merci. Vous avez Clotaire, peut-être tu veux nous dire, parce que toi tu as rencontré Racinier. Peut-être nous dire comment ça s'était passé. C'était un témoignage qui ne figure pas dans la livre de la ligne presse. Que vous pourrez quand même, même s'il n'est pas là ce soir, vous procurer pour la modique somme de 180 francs avec une dédicace. Il suffit de laisser le chèque avec votre adresse et vous le recevrez à la maison. Allez, Peter, dis-nous un peu comment les gens recevaient Racinier dans leur groupe. Moi j'ai deux témoignages. Écoutez, ce que je viens d'entendre, je passais 48 heures avec Racinier parce qu'à l'époque j'étais militant. Et militant, c'était s'impliquer dans une organisation. Donc j'étais membre de la Fédération anarchiste qui proposait aux groupes régionaux des orateurs sur un thème déterminé, ou qu'il était même le choix selon les orateurs. Il y avait des orateurs qui vous proposaient plusieurs sujets à traiter lors de leur passage dans une région. Moi, je vois que moi, puisque c'était le membre principal et peut-être l'unique membre du groupe anarchiste dit à l'époque. Alors, membre permanent, tu veux dire. Pas tellement. Donc, je vois qu'on propose une tournée avec Paul Racinier. Paul s'appelait, n'est-ce pas? Oui. Paul Racinier, dont j'avais lu Le mensonge d'Ulysse. Oh, je suis désolé, moi, Le mensonge d'Ulysse, ça m'a paru très intéressant. Comment voilà un individu qui a été déporté, qui revient dans un état physique lamentable, et qui dit aux autres, non. Il y a une partie du mythe, l'univers contre un travail, David Rousseau avait écrit avant, je crois, il avait écrit avant ou après? Juste avant. Donc il avait écrit avant l'univers du post-transactionnaire, et il disait non. Les choses que l'on décrit dans l'univers post-transactionnaire ne sont pas exactes. Je n'ai jamais vu, là où ils sont cités, les fours à gaz. Et il s'appelle des sceptiques, il y en avait peut-être ailleurs. Mais là où je suis passé, il n'y en avait pas. Alors je me suis dit quand même, quelqu'un qui a été déporté par les nazis, qui revient dans un état physique lamentable, et qui dit non, le mensonge fonctionne, on veut qu'il y ait eu unanimité dans les camps de concentration, que tout le monde était contre le même ennemi, et bien même là, ça n'était pas vrai. Moi, je trouvais ça intéressant, parce que évidemment, quand vous avez subi des avatars et des avanies, vous avez, il est humain de les amplifier et de les magnifier. Hein? Bon, si on avait pu suivre Ulysse durant son périple de 10 ans autour de la Méditerranée, on aurait pu constater qu'il en ajoutait beaucoup. Eh bien là, lui disait non. C'est peut-être qu'il y a une des fours à gaz, mais pas là où on les situe, parce que j'y étais. Bon, moi, je n'étais pas avec lui. Je trouvais ça intéressant, parce que j'ai horreur des unanimités qui veulent que tout était faux. Et cette unanimité, hein, hein, non, que tout était bien, c'est certain, mais si ça était bien en soi, on ne peut pas en ajouter et me dire, oui, mais on était tous unanimes contre notre oppresseur. Oui, on était unanimes, oui, à des degrés divers. Et ça, dans l'œuvre de... dans le mensonge Ulysse, ça apparaissait. Donc ça me semblait, non pas vrai, mais plausible. Vous voyez, parce que analyse ne peut pas dire adhésion. Je ne défends pas Racinier. Donc je reçois ce Racinier. À l'époque, pour diminuer les frais, on logeait ses orateurs chez soi quand on souffrait. Donc j'ai émergé Racinier. Et puis j'ai passé la journée qui précédait la conférence avec lui, en le promenant dans le département. Je lui ai fait faire un peu de tourisme comme je faisais faire aux orateurs qui passaient. Et moi, l'individu m'est apparu tel qu'il n'était pas antipathique. Je suis désolé, je vais vous dire ce qu'il était. Maintenant, je viens de découvrir une paranoïa qui me laisse sur le derrière. Mais quand je l'ai contacté, on a passé la journée à discuter, alors il nous disait, moi j'ai des tas de procès sur le dos, je n'en perds aucun. Moi je n'ai pas suivi ça de très près, disons que peut-être aperçu qu'il en perdait. Et il a donné une conférence, je ne sais plus sur quel thème. Ceux qui ont conservé quelques documents, peut-être sauront sur quel thème il a traité. Enfin, ce qu'il avait fait, la conférence qu'il a tenue, paraissait assez honnête intellectuellement. Parce qu'il y a une chose auquel je suis sensible, je peux tout pardonner dans la vie. Mais quand je m'aperçois d'une malhonnêteté intellectuelle délibérée, alors là, vous êtes un homme, pour moi, vous êtes un homme mort. Vous n'existez plus. Donc, quand je l'ai eu, non, il a traité le thème qu'il avait d'une manière très... Quel thème? Je dis toi, s'il m'en disait, j'en aurais pas. C'est bizarre, vous n'en disiez pas. Non, s'il avait été... il m'avait paru, c'est bizarre. Mais non, j'ai le droit de demander quoi. Non, mais c'est bizarre, mais je ne sais pas quel thème aussi. Alors, ben oui, mais il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Bon, alors, je l'ai donc entendu, ça m'a paru honnête, comme vous trouvez, et je l'ai raccompagné. Alors, au cours de ce passage, on a parlé de ces différends avec les gens qui avaient attaqué son œuvre, là, et ils m'ont raconté que, ma foi, il gagnait ses procès, que... Pourquoi pas, hein. Depuis, on avait appris qu'ils ne pouvaient pas gagner, ou pas tous, et j'ai eu un contact normal, comme avec les autres orateurs que j'ai reçus avant et après lui. voilà toute toute étendue de ma rencontre avec Paul Ratigny. Je l'ai vu en tant qu'individu. Et là où il m'avait un peu ébranlé, il me disait, voilà, quand je suis sorti du camp de concentration, on m'a donné 10 ans à vivre. Et ça donnait l'état de mes poumons. Et j'ai perdu le but. Et puis j'ai appris que dans le délai qu'il m'avait annoncé, il était mort. Donc, je me suis dit, mais enfin, quelqu'un qui a payé de cette personne comme ça, il n'a pas dû être de cette manière, qui s'est vu mourir parce qu'on lui avait annoncé, il doit tout de même y avoir une part d'honnêteté. Ceci dit, moi, quand il est venu, je n'ai pas senti d'antisémitisme. Je n'ai senti que prise de position contre ce qui avait été dit sur les camps. Mais d'antisémitisme, dans sa bouche, pendant son passage chez moi, j'en ai pas entendu une syllabe. Donc quand je l'ai quitté, j'avais aucune antipathie ni prévention contre lui. Voilà tout ce que je peux vous dire. J'ai cité Bardèche tout à l'heure, donc moi je suis en train de lire un truc, c'est l'histoire du cinéma de Bardèche et Bradillac, l'émission originale. Bon, c'est vrai que c'est super intelligent, etc. Sauf à chaque fois, on trouve justement quand il parle de Nathan, par exemple, à chaque fois il pointe les Juifs. Bon, je me suis intéressé, je m'intéresse en ce moment beaucoup sur un projet de thèse aux gens d'extrême droite. Quand on lit Rebattet, les décombres, quand il explique les causes de la défaite de 40, etc., c'est extraordinaire, c'est vachement bien écrit. On ne peut pas dire qu'il soit pro-allemand, pas du tout, mais boum, ça tombe sur l'antisémitisme. Là, j'ai une source de documents assez impressionnante sur là-dessus, sur l'Obro, etc. Je suis partout, bon, y a un tas de gens. Beaucoup de ces gens viennent ou ont fréquenté l'extrême gauche à certains moments, y compris, j'étais un petit peu accroché avec Michel Vinoc là-dessus, y compris Rebattet. Et il l'explique dans un de ses bouquins qu'il a été très peu, mais tenté par l'extrême gauche et le surréalisme à l'époque. Et puis très vite, il est revenu sur des positions avec l'Action française, etc. Par rapport au mouvement Anar, moi, bon, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle les parcours croisés de militants de l'entre-deux-guerres. Comment se fait-il qu'un tel rencontre un tel? Et ça, ça n'a jamais été fait, à ma connaissance, en gros, une contre-culture de l'entre-deux-guerres. À travers, bon, vous connaissez mon dada, le mouvement Freinet, donc ce qui concerne les instituteurs, j'ai jamais vu le nom de Racine dans les... Mais je vais vérifier dans le cas du mouvement Freinet. Par contre, il y en a d'autres qui ont viré. Alors, tout le monde connaît ici Maurice Vullens, qui a été un libertaire important, avec la revue des instituteurs Les Humbles. Lui aussi, de la même manière, les pacifistes intégraux. Là, j'ai ramené la cassette de Jospin, là, hein, que la famille ne veut plus voir, hein, circuler. Bon, j'en ai vite fait une copie pour le CIRA, mais c'est vrai, il y a eu Campion, etc. Ce sont des pacifistes intégraux, ces gens-là. Vous les regardez, tous ces gens qui ont fréquenté autour du Canard Enchaîné et de Galtier-Boissière. Hein, c'était tout un milieu. Robert Jospin, c'est un pacifiste intégral. Et il va continuer. Je suis sûr qu'il devait connaître Racine. Alors lui, c'était par la libre pensée. Alors, ont-ils collaboré ou pas? Jospin s'est fait accuser d'avoir collaboré à un moment. Il y a eu un article dans Le Monde et j'avais envoyé un rectificatif là, parce que j'écoutais les boules de voir des conneries pareilles. Sur le père, hein, le fils, voilà. Bon, alors... Il y a un tas de choses, les anarches, c'est vrai, aussi le mouvement anarchiste, le mouvement ouvrier, a toujours eu ce fond d'antisémitisme depuis l'origine. Parce que beaucoup de juifs à Paris contrôlaient un certain nombre de choses. Et c'est une position de classe. Alors il faut voir que ça mordait sur quelque chose. Moi, mon père était ouvrier à Paris, il travaillait chez les juifs. Je veux dire, il n'aimait pas. Hein? Étant ma mère, si c'est juif, etc. Ils n'aimaient pas, mais sans jamais leur rien. Quand ils ont été ramassés en 40, mes parents étaient FTP, hein, ils ont essayé d'en sauver. Hein, ça, c'est sûr, c'est net, on est les preuves. Ils n'ont rien pu faire. Mais il faut voir aussi que par derrière, il y a quand même quelque chose. Je me rappelle, j'allais tout gamin aller au match de foot, etc. Et quand on voyait un juif bien connu à Lorient, qui avait un grand magasin où gagne petit, et en fait, c'était bien, mais lui il gagnait gros, et qui, aux tribunes, se foutait de la gueule d'un joueur de foot parce qu'il était noir, en l'appelant et blanchette, quand mon père s'est retourné, ben, toutes les tribunes lui a dit « Dis donc, toi, si on te disait « Vas-y, Youpin, qu'est-ce que tu dirais ?» C'était la réponse superbe, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et lui, il s'est fait applaudir, mon père. Ma mère travaille chez lui, je peux vous dire que le lendemain, il y avait des emmerdements. Hein, c'était immédiat. Le mouvement Anard a toujours eu ce fond, ce métier de lui, y compris chez Galtier-Boissière, y compris dans l'extrême gauche du mouvement ouvrier. Vous avez cité tout à l'heure un contre-courant de Louvet, etc. Il y a toujours eu ça, toujours cet aspect-là. Et pourtant, à contre-courant, Louvet travaillait avec des juifs d'origine juive, dans la révolution prolétarienne en particulier, où il y en avait quand même quelques-uns, dont j'ai appris le père de Charpak. Alors, bon, tout ça, il y a un tas de choses. On a un témoignage, c'est Marcel Gélin. Je ne l'ai pas rencontré, celui-là. Non. Hein? Alors, on a les 6 heures d'enregistrement, et il parle certainement de ça avec les âmes de avec Julens. Hein? Il est mort très âgé là-dessus. Bon, il y a encore des trucs, là. Et le mouvement Anard avec l'extrême droite, ben, c'est pas nouveau. Le disque, le fameux disque édité par Le Pen, c'est pas un hasard. Le Pen a fait sa thèse sur l'anarchisme. Non, c'est pas une thèse, donc c'est... Oui, un mémoire, je sais pas quoi, il était pas tout seul à la mémoire. Oui, mais enfin, il était quand même assez proche. Il a eu accès à un certain nombre de choses quand même, et en particulier avec Joyeux, Lézan et compagnie. C'est vrai qu'il y a eu ce fond-là depuis toujours dans le mouvement Anard. Hein? Alors, moi, ce qui m'étonne à Nice... Il y a toujours eu ce fond d'antisémitisme de type ouvrier dans le mouvement Anard. Bon, qu'il a été combattu par des gens, c'est vrai, mais la réalité, elle est quand même là. Hein, tu le sais bien. On a un tas d'exemples comme ça. Alors, est-ce que c'est par le pacifisme intégral, etc., par quel bout il faut arriver? Moi, j'ai été contacté par ces gens de Colson quand j'étais à Rennes en 68, hein, sur le truc européen et compagnie. Ils avaient un discours assez intéressant. Mais bon... Well, you're...